إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، السلام سنة قديمة منذ عهد آدم عليه السلام وهذا إلى قيام الساعة، والسلام هي تحية أهل الجنة، قال تعالى تحيتهم فيها سلام، وهي من سنن الأنبياء. وفي هذه الأيام أصبح بين بعض الناس وحشة ظاهرة وفرقة واضحة، فترى أحدهم يمر بجوار أخيه المسلم ولا يلقي عليه تحية الإسلام، والبعض يلقي السلام على من يعرف فقط، وآخرون يتعجبون أن يلقى عليهم السلام من أناس لا يعرفونهم. وهذا أيها المسلمون، وهذا كله من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي سبب تباعد القلوب وازدياد الفرقة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وفي الحديث المتفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Chers musulmans et musulmanes, le salut, le salam est connu depuis l'époque de Adam alayhi salam et existera jusqu'à la fin des temps. Et c'est le salut des gens du paradis. Allah Azza wa Jal dit: et leur salutation là-bas, c'est-à-dire au paradis, sera le salam. C'est une sunna des prophètes. Et aujourd'hui, malheureusement, l'on voit une certaine gêne de la part de certaines personnes qui éprouvent de la gêne à passer le salam, et d'autres qui s'étonnent de se voir adresser un salam. L'on constate malheureusement qu'un musulman qui passe à proximité de son frère musulman ne lui passe pas le salam. Certains ne passent le salam qu'à ceux qui connaissent, qu'aux personnes qu'ils connaissent, et d'autres s'étonnent lorsqu'ils marchent dans la rue et qu'ils se voient adresser un salam de personnes qu'ils ne connaissent pas. Tout ceci, chers musulmans et musulmanes, et le fruit de la contradiction de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des causes qui a fait en sorte que les cœurs des musulmans s'éloignent et que leur divergence augmente. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croirez. Et vous ne croirez tant que vous ne vous aimiez. Voulez-vous que je vous informe d'une chose qui, lorsque vous la ferez, fera en sorte que vous vous aimiez les uns les autres? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, passez-vous le salam entre vous. Et dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari Muslim, un homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, quelle est une bonne chose en islam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est de donner à manger à celui qui en a besoin et de passer le salam à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. وفي هذا حث على إشاعة السلام بين المسلمين وأن هذا السلام ليس مقتصرا على معارفك وأصحابك فحسب بل للمسلمين جميعا وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغدو إلى السوق ويقول إنما نغدو أي نذهب إلى السوق من أجل السلام فنسلم على من لقيناه إن الإسلام دين الألفة والمحبة والتعاون والتعاضد فالمسلمون كالجسد الواحد يشد بعضه بعضا ويتألم بعضه بعضا فأمة الإسلام أمة مترابضة متكاتفة فالسلام تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة تحية أهل الإسلام في الدنيا السلام عليكم وقد أمروا بإفشائها لأن ذلك من أسباب الألفة والمحبة بينهم وهي تحية الرب جل وعلا لأهل الجنة قال تعالى في سورة ياسين سلام قول من رب رحيم والسلام الملقى عند التحية معناه دعاء الله بطلب السلامة من الشرور للمسلم عليه والسلام من أسماء الله الحسنى قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي صحيح وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام ومعنى هذا الاسم العظيم السلام أي السالم من النقائص والعيوب يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا قبل أن يفرض عليهم التشاهد في الصلاة يقولون السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فنهاهم صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام إن قول السلام على الله من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد والحكمة في ذلك أن الله عز وجل سالم في ذاته من كل نقص وعيب وهذه المقولة السلام على الله توهم نقصا ينزه الله عنه إن الله عز وجل مسلم لغيره فالعباد فقراء محتاجون إليه يسألون السلامة من الشرور أما الله جل وعلا فهو الغني لا يحتاج لأحد والله عز وجل هو المطلوب منه لا المطلوب له وهو المدعو لا المدعو له وهو الغني له ما في السماوات وما في الأرض وهو السالم من كل تمثيل ونقص وكل سلامة ورحمة له ومنه سبحانه وتعالى، وهو مالك مالكها ومعطيها. كل ذلك جعل أن يستحال أن يسلم عليه سبحانه وتعالى، بل هو المسلم على عباده، فهو السلام ومنه السلام، لا إله غيره ولا رب سواه. C'est hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il encourage les musulmans à se saluer les uns les autres, qu'ils se connaissent entre eux ou bien qu'ils ne se connaissent pas. Ceci est un encouragement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que le salam soit passé entre les musulmans, et de ne pas passer le salam uniquement à ceux que tu connais et délaisser ceux que tu ne connais pas. Le salam se passe à l'ensemble des musulmans. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu se rendait au marché et disait: nous nous rendons au marché dans le but de passer le salam, afin de saluer ceux que nous rencontrons. La religion de l'islam est une religion qui appelle à l'amour, à l'entraide, qui appelle à l'entraide entre les musulmans. Les musulmans sont donc comme un seul et même corps. Lorsqu'une partie est atteinte, c'est l'ensemble du corps qui en subit les conséquences. Le salam et le salut des gens de l'islam dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, c'est le salam, c'est le salut des gens de l'islam dans cette vie d'ici-bas lorsqu'ils disent assalamu alaykum. Et vous avez vu précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de passer le salam. Et c'est également le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens du paradis, comme il le dit Azza wa Jal, salam, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Et la signification du salam signifie, lorsque tu passes le salam à ton frère, cela signifie que tu demandes à Allah qu'il épargne celui à qui tu as passé le salam, tu demandes à Allah de l'épargner de tout mal. Et as-salam fait partie des noms d'Allah sublime. Il dit Azza wa Jal, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, le salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il terminait ses prières obligatoires, et après avoir demandé à trois reprises le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il disait alayhi salatu wa salam, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam muslim, « Oh Allah, tu es le salam, et le salam provient de toi. » Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prière, nous disions que le salam des serviteurs soit sur Allah et que le salam soit sur un tel et un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ne dites pas le salam sur Allah, car Allah est le salam. Car Allah est le salam. Et la signification de ce nom d'Allah Azza wa Jal sublime, as-salam, c'est-à-dire celui qui est exempt de tout défaut. Celui qui est exempt de tout défaut, subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous informe qu'avant que le tashahud soit légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la prière, il disait que le salut soit sur Allah de la part de ses serviteurs, et que le salut soit sur Jibril et Mikaïl. Le prophète alayhi salatu wa sallam leur a interdit de dire cette parole lorsqu'il a dit alayhi salatu wa sallam, ne dites pas le salam sur Allah, car Allah est le salam. Ainsi, le fait de dire assalamu ala Allah est donc une parole interdite qui a un impact sur le tawhid de la personne. et la sagesse dans cela, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le salam, celui qui est exempt de tout défaut subhanahu wa ta'ala. Et le fait de dire que le salam soit sur Allah fait comprendre et insinue qu'Allah azawajal aurait un défaut. Ta'ala Allahu an dhalik. Allah azawajal est celui qui protège et qui fait en sorte que les gens soient préservés d'un mal. Ainsi, ce sont les serviteurs qui sont dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est eux qui ont besoin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservés de tout mal. Quant à Allah, il n'a besoin de personne. Ainsi, Allah azza wa jal, l'on lui demande, on lui adresse les demandes, on ne demande pas pour Allah. Allah azza wa jal est celui qu'on invoque, ce n'est pas celui pour qui l'on invoque. Allah azza wa jal détient les trésors et tout ce qui est contenu dans les cieux et la terre. Allah azza wa jal n'a donc besoin de personne. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. السلام يدل على تواضع المسلم ومحبته لغيره، وينبني على نزاهة قلبه من الحسد والحقد والبغض والكبر والاحتقار. والسلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، ومن أسباب حصول التعارف والألفة وزيادة المودة والمحبة، وهو من أسباب تحصيل الحسنات ودخول الجنات، وفي إشاعة السلام إحياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. وقال أنس رضي الله عنه: قال أنس لابنه: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم اعلموا أن أفضل صيغ السلام أن يقول المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجرها 30 حسنة. ويليها قول: السلام عليكم ورحمة الله، وأجرها 20 حسنة. ويليها قول: السلام عليكم، ب10 حسنات، كما جاء ذلك في الحديث. السلام، chers musulmans et musulmanes, est une preuve d'humilité du musulman. Et c'est une preuve de son amour envers ses autres frères musulmans. Ainsi, le fait de passer le salam permet à la personne d'être préservée de la jalousie, de la haine, de l'orgueil et du fait de dénigrer ses frères musulmans. Et le salam fait partie du droit du musulman envers son frère musulman. Et c'est un moyen qui permet d'obtenir des bonnes actions, et c'est également un moyen, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'entrer au paradis. Il dit alayhi salatu wa sallam: cinq choses sont obligatoires du musulman envers son frère musulman. De répondre au salam, d'invoquer en sa faveur lorsqu'il éternue, de répondre à son invitation, de visiter le malade et de suivre le cortège funèbre, rapporté par Muslim. Et Anas, radiyallahu anhu, a dit à son fils: lorsque tu entres chez toi, passe le salam à ta famille. Et ce Salem sera une bénédiction pour toi et pour les membres de ta famille. Passe le Salem. Et malheureusement, l'on voit beaucoup de musulmans à notre époque qui ne se passent plus le Salem. Ils se disent bonjour les uns les autres. Ils se disent salut. Et d'autres formules qui ne sont pas musulmanes. Les musulmans entre eux se disent assalamu alaykum. En toute fierté, en connaissant le sens de ce que tu dis. Lorsque tu dis à ton frère assalamu alaykum, c'est tu invoques Allah azza wa jal afin qu'il le préserve de tout mal. Et la meilleure des formules du salam est de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Celui qui dit cette formule aura à son compte 30 hasanat. Puis vient, en termes de mérite, le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Celui qui l'a dit obtiendra 20 hasanat. Et vient la troisième formule qui est de dire assalamu alaykum, qui, pour celui qui l'a dit, obtiendra 10 hasanat, comme cela a été rapporté dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa idha sallama alaykum ahlul kitab faqulu wa alaykum. Wal wajibu ala man ulqiya alayhi salam an yarudda imtithanan li amri ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa'an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Idha abaytum illa al-majlis فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأدى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر." Et lorsque des gens du livre vous passent le salam, répondez wa alaykum. Et il est obligatoire de répondre au salam de celui du musulman qui te le passe. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous n'avez d'autre choix que de vous réunir, c'est-à-dire dans la rue, alors donnez à la rue ses droits. Ils ont dit, et quel est le droit de la rue au envoyé d'Allah? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, de baisser le regard, de s'abstenir, de nuire, de répondre au salam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Fahrisu rahimakumullah, ala ta'atillah, wa ashi'u salam baynakum, qala ta'ala, tahiyyatuhum, يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من الذين يلقون السلام بينهم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة الذين تحيتهم السلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاردد كيده في نحره يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.